Les amantes se découvrent, elles s'observent. Les regards se croisent, les lèvres s'entrouvrent. Elles savent bien que ce n'est pas la norme. Elles savent plus encore que ce ne sera pas mort. Les amantes se toisent, puis elles se draguent. Bien mieux que ne le ferait un mal de passage. Elles ont la complicité de ceux qui se connaissent, l'excitation de ceux qui se découvrent. Oh, les amantes. Les bouches se soudent, aspirent les langues qui s'enlacent, se cherchent, humides et chaudes. Les mains s'étreignent et se retiennent d'aller fouiller trop vite dans les intimités. Ici, pas de pique, pas de pointe, rien qui agresse. Le territoire du féminin est un pays courbe. Rien ne peut jaillir qui vienne se planter. Tout n'est que caresse, baiser, volupté. Tête bêche en tête à tête, pas de tête à queue. Plongée dans les abysses de l'orgasme. Chacune gravissant les montagnes de l'autre. Chacune soulignant ses pleins et délits. Yeah, yeah. Et les langues creusent les sillons au pied des monts. Découvrant trésors de velours et perles nacrées. Seuls les doigts peuvent pénétrer les lieux sacrés. Seuls les lèvres ont droit de parole et d'aimer. Les amantes. Les amantes se saoulent à la source de leur fontaine et boivent jusqu'à plus soif leur désir liquide. Elles aiment à dévorer leurs fruits appétissants, mordant à pleines dents dans leurs courbes intimes. Épuisées, les amantes s'endorment enlacées, le souffle encore court et les jambes coupées. Elles sentent encore dans leur ventre les spasmes et pensent avec tristesse à rentrer voir leur mari. Oh. Les amants, les amantes.